C'est la chronique jeux vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo. Il y a plusieurs sorties. On va y parler pas mal au cours des prochaines semaines. C'est René Cadieux du site internet game-focus.com. Salut René. Salut. René, c'est d'abord si on parlait de ce qui s'est passé avec Madden, comment t'as trouvé le jeu jusqu'à maintenant, le 2019? Ben ça, mais Madden NFL 19 qui nous apporte cette année, c'est qu'ils ont amélioré des nouveautés au niveau des contrôles. On le sent un peu en jouant les Real Player Motion. Là, c'est un genre de truc qu'ils utilisent dans leur moteur pour faciliter pour genre les mouvements. Il nous permet maintenant de pouvoir pousser un défenseur pour pouvoir progresser sur le terrain. Fait que, à ce niveau-là, le jeu, l'aspect réaliste est encore un peu plus ajouté. Il y a eu des changements aussi au niveau de, si on veut, des différents modes. Là, on a les mêmes modes qui revenaient avant, mais cette année, on a un nouveau mode qui dans l'Ultimate Team, c'est qu'on crée notre équipe, qui nous permet de jouer 3 contre 3 contre d'autres adversaires. On a des changements aussi à ce niveau-là qui va justement rendre le jeu plus fun. On essaie de comment dire, de renouveler ces modes-là parce que pas, ça vient ennuyeux à un moment donné. Puis oui, on veut vendre à cette heure, il met plus l'accent sur les. Avant, ça allait payer pour des ajouts, un paquet de trucs, des passes. Là, il faut payer pour les cartes. Ils font un peu d'argent avec les maudits paquets de cartes. Là. Fait que, ils essaient d'améliorer ça, justement. Tout le monde, hier, le monde reste accroché à ça, puis ils s'amusent. J'ai pas les chiffres à quel niveau que ça rapporte, mais tu sais, faut qu'on le voit dans tous les jeux de sport Ah, de hier, c'est ce qui va rapporter quand même. Ça doit être leur vache à lait comparé. Avant, c'était des downloads, des affaires, des ajouts, des nouvelles chansons, des affaires de même, mais là, c'est vraiment mis l'aspect là-dessus. Et ça permet d'amener de l'argent. Puis tu sais, oui, quand même, c'est différent pour les fans qui sont honnêtes, mettons, de jouer avec les teams réguliers ou les affaires de même. Ça apporte un petit niveau de pouvoir créer, essayer d'avoir son équipe, puis d'essayer de piger les bonnes cartes pour ça. Mais tu sais, le fun, c'est aussi qu'on peut ramasser de l'argent in-game, si on veut, les petits coins dans le jeu. Ça nous permet justement de s'acheter ça si on veut pas dépenser de l'argent, mais c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, là. Mais au moins, ça donne une option aux joueurs d'aller chercher ça, puis d'avoir une nouvelle option pour s'amuser avec ça. Non, le jeu visuellement, ben, tu sais, Madden a toujours été très beau, ça reste encore une fois un jeu très beau à regarder. Là. Lui puis FIFA, c'est les deux gros les jeux aussi qu'on voit que l'argent est mis aussi qu'est investi puis ça se sent. Là. C'est le dans le fond, Madden est le FIFA nord-américain, fait que donc c'est un jeu qui va être à la hauteur pour plusieurs joueurs. Puis, visuellement, on le voit, là. Les terrains sont beaux, les joueurs sont beaux, le rendu visuel, la foule, tout le monde est là, tout est là, fait que c'est bien fait. C'est un jeu, une expérience plus depuis l'année passée. Oui, on tout le temps, ils font pas les gros changements ou des changements majeurs pour juste pas briser rien parce qu'ils ont une formule qui marche et qu'ils veulent pas justement tout casser, mettre d'autres choses, mais ça reste un produit très intéressant pour les fans. T'sais, oui, ça fait mal. À chaque année, on est obligé de payer pas loin de 90$ pour ça, mais les vrais fans, les vrais amateurs vont le dépenser ou ils vont justement y aller par des d'autres trucs comme ceux qui ont une maison Xbox One peuvent aller avec le e-access qui coûte environ les 5$ par mois pour justement avoir accès. Mais ben, on a juste 10 heures le Madden, mais ils finissent par les donner là à la fin de la saison si vous êtes assez patient d'attendre comme le Madden NFL 18 va être donné dans pas long avec ceux qui sont patients quand l'autre sort ils donnent le 18. Ceux qui sont pas capables d'attendre. Oui, il y a un bon changement entre le 18 là, assez pour changer, mais si vous aviez le 18, vous le contentez, vous aviez du fun avec ça. Pourquoi changer l'expérience de football reste sensiblement la même, avoir comme tantôt des changements au niveau, mettons, on peut progresser plus sur le terrain, déplaquer les joueurs, oui, les nouveaux joueurs sont mis. Assez souvent, les Madden sont quand même assez à jour aussi avec les mises à jour. Là. À chaque fois qu'on l'ouvre, on a une mise à jour pour les nouveaux joueurs. Ceux qui avaient aimé le mode histoire l'année passée, ben ce mode-là revient avec la suite, on veut le long shot, je pense que ça s'appelait le titre, c'est qu'on a la suite de long shot. Continue, puis on suit notre joueur qui essaie de progresser dans la NFL, ainsi de suite. Donc, on a un produit quand même complet pour les fans qui peuvent s'amuser. Et oui, je le conseille, mais ça reste quand même un jeu. Si vous aimez l'expérience, si l'expérience l'année passée était hautement à la hauteur pour vous autres, ça vaut pas nécessairement la peine de changer parce que c'est quand même un 80, comme vous êtes en tout, 91$ avec les taxes. Ça fait mal au portefeuille. Mais sinon, si c'est votre dépense de l'année, vous êtes un fan de football. Là. Ou attendez aux fêtes. Tout de suite ouais, après les aux fêtes, fêtes mais... tout de suite après les fêtes, il devient à 39,99. Ouais, on a des deals dans le coin des Boxing Day puis des. Ben ouais. Même peut-être pas attendre le Boxing Day, il va y avoir les vendredis noirs qui vont venir. Puis des fois, ceux-là sont des jeux qui baissent parce qu'ils savent qu'ils en vendent quand même beaucoup. Faut continuer à en vendre. Fait que des fois, ils font un rabais 49, 59, 39, tout dépendant des magasins. Fait que, oui, ça vaut la peine d'attendre là encore un peu. Comme vous dites, attendez, si vous ne pouvez pas attendre, vous avez une Xbox One puis le E-Access, ça vous intéresse, vous avez un jeu d'IA. Pour 5$, vous allez pouvoir jouer pendant une dizaine d'heures, fait que 3, 4, 5 games assez facilement. Bien sûr que les modes aussi qu'on vient un coach, les affaires de même, ou un joueur de la NFL, c'est moins tentant parce que notre carrière est coupe, mais elle va pouvoir continuer après qu'on va continuer. Là, mais tu sais, c'est ça met un fin après le 10 heures, mais on a une choix de proposition de l'acheter avec un 10% de rabais. Et c'est encore cher si on sait que on va avoir des villes comme tu dis dans le temps des fêtes. Ouais, ça reste un bon jeu, mais c'est quand même cher pour l'expérience, mais c'est encore là. Expérience erreur aussi, fait que oui, on est un fan, on va aller le chercher, puis sûrement il y en a déjà qui l'ont parce qu'il est sorti le 28 août, et que ça fait quand même un petit coup qu'il est sorti, mais il y en a déjà qui doivent avoir fait le saut et l'avoir été l'acheter. Ah. C'est son expérience. Nous autres, on a donné un 8.5 sur 10, qui est quand même très bien parce que avec un jeu de sport, c'est dur d'aller plus haut que ça. C'est la note parfaite d'un jeu de sport, mais c'est quand même d'aller plus haut parce que la journée qu'on va avoir un jeu qui va. J'espère qu'il va aller plus haut que ça. Ça va leur dire qu'ils offrent quasiment tout ce qu'on veut. Puis jusqu'à maintenant, on dirait qu'ils sont pas capables, comme tantôt, ils se limitent à nous offrir un contenu correct puis sans plus. OK. Donc, René, c'est pas mal beau. Je veux dire, t'as donné 8.5. Donc, c'est quand même une bonne note, effectivement, donc à ce jeu-là. Évidemment, il y a toutes sortes de tournois. Vous pouvez jouer en ligne, vous pouvez jouer aussi... même toute seule. Donc, c'est pas mal intéressant. Mais moi, je l'ajoute à toutes les années, Madden. Fait que, tu sais, y a pas de problème là-dessus. Là. Ça, cette année, il y a eu un peu de mauvaise publicité envers le jeu, parce qu'il y a eu la tir à Jacksonville, là, le tireur pendant le tournoi de Madden. Ça n'a rien à voir avec le jeu, là. Non, c'est ça. Ça n'a pas à voir avec le vieux jeu. Puis, on l'a brodé, c'est le jeu vidéo. Mais, gars, c'est un jeu de sport, là. Puis, si on sait que le 3/4 des joueurs de football, il y en a beaucoup qui ont des permis d'armes, qui ont des affaires de ça dans la vraie vie, je pense. Fait que, ça, c'est pas vraiment un rapport, c'est un gars qui a juste fait les plombs pendant ça, mais ça a fait une mauvaise pub à ce jeu-là. Fait que je pense pas que ça allait vraiment influencer les ventes, mais ça changera pas l'expérience de jeu que vous allez avoir, puis vous serez pas moins bien vu si vous l'achetez, parce que le jeu a rien à voir avec le ce qui est arrivé. C'est comme il y en a qui peuvent se dire, ah, j'ajoute pas ça, j'encouragerai pas le meurtre ou quoi de même. T'sais, il a quand même donné $1 million, je pense que c'est ça, ou peut-être un peu plus pour les familles là-bas, parce que ils ont tout de suite fait, non, on ne laissera pas ça de même. Ça ne marche pas. Oui, tu vas me dire, c'est de la pub pour en vendre, mais c'est quand même, le geste est là, puis les autres aussi, c'est pas ce qu'ils voulaient. Ouais. Donc, ça reste une bonne expérience football pour les fans. Ouais. Autre nouvelle, semble-t-il que l'NCAA va faire un retour? Oui, un groupe, je n'ai pas le nom de la compagnie qui fait ça, mais oui, il y a des gens qui sont intéressés justement à ramener le jeu NCAA. Là, c'est des amateurs, des fans qui s'ennuient de ça, qui sont comme tannés du football de la Ligue nationale, si on veut, qui ont décidé de justement ramener les recrues. Aux dernières nouvelles, ils disaient que les noms, ils pouvaient pas nécessairement les avoir, mais ils travaillaient fort pour avoir les équipes ou les affaires sensiblement. Mais ça se travaille. Hein? Je savais même pas ça. Semble-t-il qu'il y a un de mes amis Facebook qui, semble-t-il, a le dernier NCAA qui s'est fait en 2013. Il achète les noms sur eBay. Je savais pas que ça se faisait, ça. Ouais, je pense que c'est le NCAA 2010. Celui-là, il était jouable sur PC, je pense. Ouais, et donc, non, il joue sur PS4. Non, c'est ce console. Ouais. OK, peut-être qu'il y en a qui font des modes de tout ça, puis qu'ils aussi ça change ça, parce que, tu sais, c'est quand même tout le temps juste des fichiers de mise à jour. Mais il y en a qui étaient justement avec le NCAA, ils étaient capables de faire ça, d'envoyer les noms, puis... Sur ordinateur, on voit souvent ça sur des jeux. Il y a des modes qui appellent, puis oui, les jeux sont tout le temps comme rehaussés avec le nom des joueurs, les compagnies, les affaires de même. On ressent en être beaucoup plus. Avec ça, ça m'étonnerait pas d'avoir un sur arriver justement avec NCAA. Mais là, pour l'instant, c'est un projet de c'est pas hier qui s'en occupe, parce que eux qui avaient les règnes de NCAA avant. Ouais. C'est un projet à côté qui ramasse justement un projet Kickstarter, puis ou Indiegogo, mais en tout cas, c'est bref, ça, c'est des compagnies que, justement, nous, on peut donner des sous, puis il y a des plateaux, mettons, $100, t'as le jeu, et ton nom au crédit, des affaires de même, des fois, là, je sais pas trop c'est quoi la campagne exactement, mais oui, ils veulent ramener ça, fait, c'est assez populaire, ils parlent pas encore d'en faire, mais là, ils viennent de terminer leur problème en justice, fait, ils sont tentés d'aller jouer là-dedans, d'aller ramener Comment que ça a fini, le jeu, hein? Parce que on sait que la NCAA, c'est sur une plainte, je pense, d'un joueur que ça a commencé cette histoire-là, hein? Ouais, c'est ça, mais je pense que ça s'est réglé hors cours avec de l'argent, okay. Puis, okay. Tout ça, parce que justement, il était tanné de voir ça aller non pour ça, puis C'était juste qu'il avait utilisé un nom d'un joueur qui, sans leur demander, ils demandaient pas aux joueurs si ils avaient le droit de prendre vos noms, parce que les joueurs, ils se sentaient biaisés dedans, puis c'était sûrement pour une affaire de redevance, eux autres, je sais pas trop, mais je sais qu'il est payé beaucoup d'argent à NCA, justement, pour avoir les équipes, avoir les droits. Mm. Ça a dû être de quoi, ouais, mais les joueurs, nous, on n'a rien, puis fait qu'ils ont décidé de régler ça hors cours, justement, pour mettre fin au problème. OK. Ben, René, on va s'en parler pour le NHL 2019 qui est sorti depuis vendredi. Je vais te donner du temps pour l'analyser et on s'en parle. Parfait, ça va nous donner le temps au jeu de mettre les échanges. On va pouvoir jouer à Patrick avec Gauss puis Burns. Pas Burns, mais Carson à San Jose. Effectivement. Donc, on s'en parle dans une semaine ou deux. Merci. On est cadu du site internet game-focus.com.